Chapitre 2. Je partirai pour Athènes aujourd'hui même, s'écria Thésée. Mais sa mère obtint de lui de retarder son départ d'un ou deux jours, afin qu'elle pût préparer ce qui lui était nécessaire pour entreprendre ce voyage. En apprenant que son petit-fils était déterminé à se présenter à la cour d'Athènes, le sage roi Pythée lui conseilla avec sollicitude de faire ce trajet par mer. De cette façon, il arriverait sans danger, et même sans fatigue, à une quinzaine de milles de la capitale de l'Attique. « Les routes sont très mauvaises, » disait le monarque vénérable, « et terriblement infestées de brigands et de monstres. Mon petit-fils ne doit pas s'exposer à son âge, et tout seul, au hasard d'une telle entreprise. Il faut absolument qu'il aille par mer. » Quand Thésée entendit parler de monstres et de brigands, son attention fut vivement excitée. Il n'en désira que plus ardemment de prendre les routes où il pourrait les rencontrer. Le troisième jour, il fit respectueusement ses adieux à son aïeul en le remerciant de tous ses soins affectueux. Après avoir embrassé avec effusion sa mère, dont les larmes inondaient les joues, il s'arracha de ses bras et partit. Il faut bien le dire aussi, à ses larmes maternelles se mêlèrent celles qui coulèrent abondamment des yeux du jeune homme. Mais le vent et le soleil les eurent bientôt séchés. Il marchait d'un air assuré, jouant avec la poignée d'or de son glaive et s'éloignait bravement et à grands pas avec les fameuses sandales. Je ne peux interrompre mon récit pour vous décrire toutes les aventures arrivées à notre héros pendant son voyage jusqu'à Athènes, qu'il vous suffise de savoir qu'il débarrassa toutes les contrées qu'il traversait des brigands dont s'était tant alarmé le roi Pythée. Un de ces scélérats s'appelait Procuste. Son nom seul répandait la terreur, car il prenait plaisir à infliger des tourments horribles aux malheureux voyageurs qui tombaient en son pouvoir. Il avait dans sa caverne un lit sur lequel, en affectant une hospitalité empressée, il priait ses hôtes de se coucher. S'il arrivait que le lit fût plus long que leur corps, ce monstre les y étendait et allongeait de force leurs membres. S'ils étaient plus grands que le lit, il leur tranchait la tête ou les pieds et riait de ce qu'il avait fait comme d'une excellente plaisanterie. Aussi, comme bien vous pensez, personne, si fatigué qu'il fût, n'aimait à se reposer sur le lit de Procuste. Un autre de ces misérables, nommé Skinis, était un monstre chargé de crimes. Il avait l'habitude de lancer ses victimes dans la mer du haut d'une falaise escarpée. Pour le châtier comme il le méritait, Thésée le lança également dans l'espace, du même endroit où il commettait ses forfaits. Vous me croirez si vous voulez. La mer ne voulut pas se souiller en recevant dans son sein une aussi détestable créature. Et la terre, une fois débarrassée de lui, refusa de le reprendre. Skinis demeura suspendu dans les airs, qu'attrista désormais sa funeste présence. Après avoir accompli ses exploits mémorables, Thésée entendit parler d'un sanglier énorme qui portait la désolation dans toutes les campagnes environnantes. Comme il ne négligeait aucune occasion de faire le bien partout où il passait, notre jeune héros tua le monstre et l'abandonna aux habitants pauvres qui en salèrent la chair pour s'en nourrir. Cette gigantesque bête féroce avait été un objet d'épouvante quand elle ravageait les champs et les forêts. Mais son corps et ses membres, coupés en morceaux, cuits à point, savoureux et servis sur maintes tables, ne firent que réjouir la vue, flatter l'odorat et exciter l'appétit des convives. Ainsi, sans perdre de vue le but de son voyage, Thésée s'était illustré par plusieurs hauts faits à l'aide du glaive à poignée d'or de son père et avait déjà conquis la réputation d'un des plus braves jeunes gens de son temps. Son renom le précédait partout sur sa route, et le bruit de ses grandes actions était même parvenu jusqu'à Athènes. À son entrée dans cette ville, il vit les citoyens groupés au coin des rues, mêlant son nom à leurs entretiens. Hercule, Jason, Castor et Pollux étaient, à leur avis, des modèles de bravoure. Mais ils prédisaient que Thésée, le fils de leur roi, se placerait un jour au-dessus de ses héros. En entendant ces propos flatteurs, celui qui en était le sujet accéléra sa marche, certain qu'une magnifique réception l'attendait à la cour de son père et que la renommée, en bouchant sa trompette, allait crier au roi « Voilà ton fils !» Il ne soupçonnait pas, le naïf jeune homme, que dans cette même ville d'Athènes, où régnait pourtant son père, des dangers plus grands menaçaient ses jours. C'était cependant la vérité. Il faut que vous sachiez que le roi Égée, sans être très avancé en âge, dépérissait à vue d'œil, usé par les soucis du gouvernement et affaibli par une vieillesse prématurée. Ses neveux, comptant bien que le monarque ne vivrait pas longtemps, projetaient de se partager ses états. Mais quand ils apprirent que Thésée arrivait à Athènes, et qu'ils se signalaient par une si rare bravoure, ils comprirent qu'ils ne les laisseraient pas facilement s'emparer d'un sceptre et d'une couronne dont l'héritage leur revenait légitimement. Ces méchants princes, les propres cousins de Thésée, se tournèrent aussitôt contre lui, et Médée, rangé parmi ses ennemis, nourrissait une haine encore plus atroce. Cette cruelle magicienne, alors l'épouse du roi, désirait transmettre le pouvoir à son fils Médus et exclure du trône le fils d'Étra qu'elle détestait. Les neveux du monarque découvrirent Thésée et allèrent à sa rencontre juste au moment où il atteignait le seuil du palais, renfermant dans leur âme leur funeste dessein. Ils offrirent à leur cousin l'assurance d'une affection sincère et lui exprimèrent toute la joie qu'il ressentait de faire sa connaissance. Puis ils lui proposèrent de le présenter au roi comme un étranger, afin de voir si celui-ci pourrait distinguer dans ses traits quelque ressemblance avec lui-même ou avec sa mère Étra, et s'il le reconnaîtrait pour son fils. Thésée consentit à cette épreuve. Il s'imaginait que son père, inspiré par la nature, n'hésiterait pas un seul instant. Mais, tandis qu'il attendait à la porte, les traîtres coururent vers le roi et lui dirent qu'un inconnu, nouvellement débarqué à Athènes, avait formé le projet, selon les informations par eux recueillies, d'attenter à ses jours et de s'emparer de sa couronne. Et, ajoutèrent-ils, il demande en ce moment la permission d'être admis en présence de votre majesté. Ah ah ! S'écria le vieux monarque. Mais en vérité, ce doit être un coquin achevé que ce jeune audacieux. Voyons, mes amis, que me conseillez-vous de faire de lui ? À cette question, la méchante Médée trouva l'occasion de placer son mot. Je vous l'ai déjà dit, c'était une magicienne et des plus fameuses. Si l'on en croit certains documents, elle persuadait les gens qu'elle pourrait leur rendre la jeunesse en les plongeant dans une chaudière remplie d'eau bouillante. Mais le roi Égée, je le suppose, n'ajouta pas foi à ses assurances, ou se résigna à rester vieux plutôt que de se laisser calciner au fond d'une chaudière. S'il ne fallait pas ménager le temps pour traiter des sujets d'une plus grande gravité, j'aimerais vous décrire le char de feu de Médée, tiré par des dragons ailés, dans lequel cette enchanteresse s'élevait souvent au milieu des nuages. C'est dans ce char qu'elle parut pour la première fois à Athènes, où sa vie n'avait été depuis qu'une longue suite de crimes. Mais je suis forcé de passer sous silence le récit de ses forfaits et de ses prodiges. Je me contenterai de vous dire qu'au nombre de ses crimes était l'invention d'un poison assez subtil pour tuer instantanément quiconque l'effleurait seulement de ses lèvres. Aussi, le roi ayant demandé ce qu'il devait résoudre au sujet de l'inconnu, cette femme horrible eut une réponse toute prête. « Que votre majesté me laisse le soin de cette affaire, » répliqua-t-elle. « Admettez en votre présence ce jeune homme au sinistre projet, traitez-le avec bienveillance et invitez-le à boire une coupe de vin. Votre majesté n'ignore pas que je m'amuse parfois à distiller des essences d'une grande vertu. Cette petite fiole renferme un mélange que j'ai composé moi-même et dont je connais seul le secret. Permettez-moi d'en verser une seule goutte dans la coupe, et s'il la porte à ses lèvres, je vous réponds qu'il aura bientôt perdu toute idée de mettre à exécution ces horribles complots. » Médée accompagna ces paroles d'un sourire, mais tout en affectant un air gracieux, elle ne se préparait à rien moins qu'à empoisonner Thésée devant les yeux de son père. Le roi Égée, semblable à la plupart des rois, se souciait peu que le châtiment fût doux ou rigoureux quand il tombait sur un homme accusé de conspirer contre son existence. Aussi ne fit-il pas d'objection. Il ordonna d'introduire l'étranger sans plus de retard. La coupe fut placée sur une table à côté du trône, et une mouche, s'étant avisée d'en venir sucer les bords, tomba morte immédiatement dans la liqueur. Médée, d'un regard, fit observer cette circonstance au neveu et sourit de nouveau avec complaisance.